parti, m'a laissé succomber. J'étais seul, nuit et jour, en crevé. J'étais seul, nuit et jour, en crevé. Mon amour est parti, parti, m'a laissé. Mon amour est parti, m'a laissé, tomber là, seul, m'a laissé. Nuit et jour, sans amour, j'étais seul, en crevé. Mon amour est parti, m'a laissé seul, seul, nuit et jour, en crevé, en crevé. Mon amour m'a laissé.